Bonjour à tous, s'il est bien une chose que j'aime dans la vie, à part vous retrouver toutes les deux semaines, c'est les vieilles expressions françaises. Alors comme on dit dans le Beauchaunois, jamais 203, bienvenue dans le troisième épisode de C'est quoi le pitch, le podcast de critique du cinéma vu par des scénaristes. Aujourd'hui un programme qui va faire plaisir à Poutine, puisque nous parlerons pendant une heure de la mort de Staline, de Red Sparrow et de Ready Player One. C'est Guillaume au micro, et aujourd'hui avec moi les espionnes russes du scénario français, Marine, Armand, Claire... Et Fiona, on commence avec le courrier des lecteurs. C'est gentil, on a reçu quelques messages d'encouragement, nous disons qu'on était super, merveilleux, blablabla. Et un certain Romain de Dijon nous disant, je cite, « J'en suis à ma troisième tentative d'écoute et j'y arrive pas. » Merci Romain pour ce message qui nous a serré le cœur de tendresse. Mais je vous rappelle que vous pouvez surtout nous dire ce que vous avez pensé des films ou des critiques de l'émission précédente. Sachez qu'on accepte les blagues et la mauvaise foi. On vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que le mot truc est absolument prohibé. D'ailleurs, à chaque fois qu'il arrivera, on entendra cette sonnette et la personne perdra la parole immédiatement. On commence avec Red Sparrow. Et écrit, on donne l'adresse mail aussi. Et on donne l'adresse mail. Vous pouvez nous écrire à c'estquoilepitch@gmail.com. Merci Fiona. Ça, c'est pour ça que tu es mon bras droit, même si tu es à ma gauche. On commence par Red Sparrow, écrit par Justin Haight et Jason Matthews. Et c'est Rumix qui va nous le pitcher, que j'ai appelé Marine tout à l'heure. Mia culpa. Oui, donc Rumix au micro. Donc, scénario de Justin Haight. D'après le roman de Jason Matthews, un ex-agent de la CIA, c'est important de le préciser. J'ignorais. Alors, Red Sparrow, le pitch, c'est Dominika Egorova, qui est incarnée par Jennifer Lawrence, qui est une ballerine montante au Bolshoï, dont la mère est malade. Et lorsque sa carrière s'arrête brutalement à cause d'une blessure, leur niveau de vie, déjà modeste, est compromis. Dominika accepte alors la proposition que lui fait son oncle Ivan, incarné par Matthias Schoenaerts, un agent des services secrets russes, de rejoindre les services secrets. Dominika se retrouve alors à suivre un entraînement dans une école d'État un peu particulière, l'école des moineaux, où elle apprend les techniques de manipulation et de séduction pour compromettre des ennemis de la patrie et obtenir des renseignements sur eux. Devenue espionne, elle a pour première cible Nathanael Nash, un agent de la CIA qui, lui, est en contact avec une taupe russe qu'Ivan et ses supérieurs essayent de débusquer. Excellent pitch, Marine. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi précis. Fiona, ton avis sur ce film ? Alors moi, je suis pas fan des films d'espionnage, c'est pas complètement mon délire, mais j'ai plutôt apprécié ce film qui est pourtant plutôt mal noté sur Allociné, je crois. J'ai trouvé ça, enfin, pas passionnant, hein, ça va pas me rester toute ma vie, hein, mais ça nous montre comment on devient un agent double un petit peu, et je trouve qu'on n'a pas souvent vu comment un agent double devient agent double, donc. C'était un angle un peu nouveau. Comme moi, c'est le, avant qu'on parle des points faibles du film, le gros point fort du film, c'est justement cette espèce d'ambiguïté. Au bout d'un moment, alors c'est peut-être pas volontaire, c'est peut-être ça le problème du film, mais au moment, je ne savais plus où elle en était. Je ne savais plus si elle était fidèle aux Russes, si elle était fidèle aux Américains, ou si elle était fidèle que à ce mec-là. Et à un moment, je me suis dit, la fameuse scène à la fin où l'agent américain se fait torturer et qu'elle l'aide, je ne savais plus exactement à qui allait sa loyauté. Et puis je me suis dit, ah oui, mais c'est quand même un film américain. Tous les Russes parlent anglais. Bon, évidemment qu'elle va choisir les États-Unis. Mais si on enlève cet aspect qui est un film hollywoodien, c'était son déroulement psychologique et à qui va sa loyauté, c'est plutôt bien fait. Et j'ai trouvé justement, c'est ça qui m'a dérangé. Déjà, c'est des Américains qui font des Russes, mais du coup, avec un accent russe, mais en parlant anglais, enlever carrément l'accent russe, c'est complètement idiot, quoi. Assumer que ce soit pas la bonne langue, mais l'accent russe, moi, je trouvais ça vraiment ridicule. Et ce qui m'a dérangé, justement, c'est quand même les Américains, qu'est-ce qu'ils sont quand même plus sympas que les Russes. Évidemment. Ah, les Russes, c'est vraiment des salopards. Même en temps de guerre, même pour l'espionnage, les Américains, ils sont vachement plus dignes. Ça, c'est vraiment pour moi le point faible du film. Bah écoutez, moi je rebondis en transition pour dire que j'ai trouvé ce film absolument atroce, mais abject. Ça a été une souffrance de le regarder jusqu'au bout. Je trouve que c'est un film dangereux à faire en 2018, en fait. Ah, dangereux, carrément. Ouais, c'est dangereux. Parce que la représentation de la femme dans le film, elle est catastrophique. Je trouve que c'est hyper manichéen, c'est stéréotypé, c'est mauvais. Alors, très belle scène d'ouverture. Franchement, quand ça a commencé, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. C'est la scène dedans, la scène en montage alterné entre dans le parc et le ballet. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Il y a de la tension, il y a du crescendo. Et après, il y a le générique. Et là, c'est la catastrophe, quoi. Alors, juste sur le dangereux en 2018 pour l'image de la femme. Parce qu'effectivement, là, l'école où elle va, c'est une école de pute d'État. Hein. C'est ça qu'on lui apprend à être. Oui, elle le dit à un moment. Elle dit, vous m'avez envoyé dans l'école des putains. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais enfin, je vois pas en quoi c'est gênant de faire ça en 2018, puisque ça montre une réalité. Mais tout dans le film, tout ce qui touche au sexe, déjà, tous les personnages sont définis par leur propension ou pas à désirer, à baiser, à être, à se faire manipuler sexuellement. C'est le sujet du film. Le film, justement, c'est on te parle d'espionnage du point de vue des séductrices qui travaillent pour l'État. Donc bah pour oui, moi ça me dérange en fait de montrer que donc tous les hommes sont forcément des porcs, tous les hommes sont forcément faibles, ils vont se faire avoir. La meilleure arme qu'un pays a pour se défendre, c'est les femmes. On dit pas que c'est la meilleure, c'est juste un aspect pour moi. Enfin, moi je l'ai compris comme ça, c'est un aspect de l'espionnage et c'est celui-là qu'on montre. Et je pense que ce serait être un peu trop, ce serait de se mettre le doigt dans l'œil de croire que ça n'existe pas. Pour moi, c'est un aspect très important et de l'espionnage, la séduction et comment, on soutient des informations aux hommes, oui, par le sexe. Ça me paraît pas. D'accord, mais il y a aucun personnage féminin qui est vraiment positif. Elles sont soit diminuées, sa mère est malade, soit c'est des alcoolos traîtres, l'agent du CIA qui est la taupe. Qui est quand même le meilleur personnage. Qui est quand même le meilleur personnage du film, hein, elle est quand même géniale. Soit c'est des espèces de maquerelles, Charlotte Rampling, improbable. Soit elles sont victimes de viol. Enfin, il y a aucun. Sur ce film, d'un cynisme terrible, hyper violent, ça commence par un viol. Il y a des viols un peu partout. Même les scènes de torture, on dirait un espèce de fantasme de bondage non consenti. Je trouve ce film mais dégueulasse. Mais tu as dit avant que les hommes étaient montrés comme des porcs. Du coup, tout le monde en prend pour son grade. Pas trop. Hein. Je trouve que les femmes vraiment. Oui, tout le monde en prend pour son grade, mais c'est. Je sais pas, c'est archaïque, c'est cliché. Toutes les femmes qu'on voit dans le film, à part la mère de l'héroïne, sont des espionnes qui ont été formées à ça. C'est une école, ils montrent, hein, ils passent 80% de leur temps à regarder des films porno et à dire tiens, toi, couche avec lui, tu dois savoir le faire sans cligner de l'œil. À ce qu'à un moment, elles apprennent, pendant une scène, elles apprennent à ouvrir des serrures, parce que oui, à un moment, elles ouvrent une serrure. Voilà, c'était la scène qui servait à ça. Mais sinon, c'est comme dit Fiona, c'est une école où on t'apprend pas à escalader des murs et à aller chercher des documents, on t'apprend à coucher pour ce que tu veux. Donc évidemment que le film tourne autour du sexe et du désir, et que c'est pour ça qu'il joue dans un jeu de séduction avec l'agent américain. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé, moi je me suis dit, oh, le film ça va être une histoire d'amour entre les deux, et à la fin il va découvrir qu'elle est une espionne. Et heureusement, il la voit, et dès le début il lui dit j'ai grillé, t'étais une espionne. Il dit oui, je t'ai vu dans le bus, t'avais même pas la même couleur de cheveux, tout ça. Et heureusement, le film part sur autre chose. Oui, enfin, ils essayent quand même de nous caler une histoire d'amour qui est totalement artificielle, on n'y croit pas une seconde. Alors là, je suis pas sûr qu'ils essaient de nous mettre une histoire d'amour. Pour moi, ils sont pas amoureux, hein, ni l'un ni l'autre. Hein. Si, quand même. Moi, je pense qu'ils s'aiment bien. Ils s'aiment bien parce qu'ils se disent on est tous les deux des agents de pays qui s'aiment pas. Alors, c'est vrai qu'il y a la dernière scène qui me donne tort où elle l'appelle et puis il lui met la musique Sinon, il est clairement. Enfin, pour moi, il n'est pas amoureux d'elle et elle est encore moins amoureuse de lui. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. Je pense qu'elle a un vrai attachement pour lui et lui, il a un vrai attachement pour elle. Et quand il y a cette scène absolument improbable où elle se réveille dans la nuit, est-ce que je peux te faire confiance? Elle se met sur lui. Même les scènes de sexe qui sont a priori censées être consenties, le sont pas vraiment. Elle se met sur lui, elle lui donne même pas le choix. Elle le viole à moitié. Il est là, il est passif. Enfin, je trouve que ce film, tout m'a dérangé. Ah mais pour moi cette scène, c'est j'essaye de te manipuler. C'est qui va manipuler le premier, quoi. Et lui il se dit même pas. Attends, est-ce qu'elle avait vraiment envie de coucher avec moi? Ou alors je lui ai dit de toute façon je sais que tu es une espionne du sexe. Tout le monde connaît les Red Sparrow. Et puis il dit je sais que tu vas essayer de coucher avec moi. Et quand elle couche avec lui, est-ce qu'il se dit est-ce qu'il couche avec moi vraiment parce qu'elle m'aime bien ou parce qu'elle encore elle essaye de se manipuler? C'est toute l'ambiguïté tout ça. Il y a aucun amour là-dedans. Ouais. Je trouve pas ça. En fait, t'aimes pas le sujet du film. Comprends, ouais, j'aime pas le sujet, j'aime pas le message. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce que le sexe c'est ça? Là, à bout, c'est le vice, c'est l'horreur. Est-ce que tous les hommes sont des porcs? Enfin, surtout s'ils sont russes. Bah, #MeToo. Non, mais je trouve ça terrible en fait, parce que de jouer sur cette ambiguïté, comment tu peux y trouver quelque chose de positif? Mais en fait, là, c'est peut-être là où je vois. Je suis pas d'accord dans le sens où c'est un film qui te montre quelque chose. On donne pas un message là, on te montre comment cette nana est devenue agent double et on te montre un aspect de l'espionnage. Donc il y a pas de message de ouais coucher c'est bien ou coucher. Après y a, dans les personnages aussi forts féminins, t'as Charlotte Rampling par exemple. Ouais bah elle est pas positive du tout, elle est horrible, elle est hyper cynique. Oui mais elle est forte. Et alors déjà en plus. Enfin, je comprends pas pourquoi on passe autant de temps. Pour moi, l'histoire, elle commence une fois qu'elle est espionne et qu'elle a la cible de Nate à approcher. Oui, l'acte 1 est un peu long, c'est vrai. C'est extrêmement long. On s'en fout, en fait. On aurait dû, limite, commencer le scénario, l'apprendre en sortant de l'école. Ou pourquoi toute cette mise en place extrêmement longue ? On voit bien qu'ils ont leur trajectoire en montage alterné. On se dit, putain, mais quand est-ce qu'ils vont se croiser, quoi ? Je trouve que, enfin, moi, justement, ça m'a intéressé parce que on met ça en. On te montre justement ben, des choses dures et abjectes pour faire ce boulot de pute d'État. Hein, c'est vraiment ça. Elles ne sont pas autre chose, hein, elles le savent. Hein. Elles sont des putes d'État. Et, en fait, pour moi, c'est comme si tu me disais... Tu voyais un film sur la prostitution et tu me disais c'est horrible de montrer ça. Mais c'est un peu pareil. C'est juste que c'est des putes d'État. Et on te montre des putes d'État. Est-ce que c'est de travailler pour un gouvernement ? Enfin, d'être obligé de travailler pour un gouvernement pour certaines. Elle n'est pas obligée. Enfin, il lui laisse c'est un demi-choix, puisqu'ils font du chantage affectif sur sa mère. Non, ils lui disent qu'ils vont la buter. Hein. Ah, ils lui disent qu'ils vont la buter quand même. Ah, je m'en souviens plus. Donc, j'ai un choix limité. Ils disent pas on va la laisser mourir tranquillement, non, ils disent on va la buter. Et là, on a un twist merveilleux où elle change de camp, elle commence à bosser pour les Américains, parce qu'elle se rend compte que son oncle est méchant, mais waouh, on n'avait pas compris non, du elle, tout, quoi. Elle savait déjà que son oncle était méchant, mais je te rejoins sur le changement de camp. Moi, j'aurais bien voulu, en fait, justement, être encore plus cynique, en fait, c'est que tout ça soit aussi une manipulation et qu'elle reste pour les Russes. Moi, j'aurais bien voulu qu'on pense que et qu'on se dise waouh, elle est devenue tellement douée, justement, dans la manipulation, qu'on y a cru, il y a cru, et en fait, non, elle est toujours pour les Russes. Ça, j'aurais bien aimé, j'avoue. À la fin, on se demande si elle a fait ça pour les Russes ou pour se venger de son oncle qui est un horrible salopard, parce qu'à la fin le grand perdant de cette histoire c'est quand même l'oncle qui elle fait croire que c'est lui le traitre et donc qui finit dans un goulag, non, il se fait abattre par un sniper russe à la fin. Donc mais à la fin c'est carrément une vengeance personnelle, elle dit c'est toi qui m'as mis là-dedans, je vais me venger de toi en fait, pas des États-Unis ou de la Russie. En plus, on ne comprend pas leur. Enfin, moi, j'ai pas compris leur relation. Les personnages n'ont pas de passé. On ne sait pas. Est-ce que la mère sait que l'oncle, il était dans les services secrets ? Ah oui, elle le sait. Elle le sait parce qu'elle lui dit tout le temps méfie-toi ton oncle, il t'a toujours regardé bizarrement quand t'étais petite. Mais je suis d'accord, sa mère. Ça veut pas dire qu'il fait partie du service secret, ça, excuse-moi. Mais enfin, tout le monde le sait. J'ai oublié, comment s'appelle l'héroïne déjà ? Dominica. Elle sait très bien. Enfin, pour moi, c'est un secret de Polichinelle qu'il travaille. Au KGB. Ils n'appellent pas ça le KGB. Mais je suis d'accord, sa mère, c'est quand même je lui décerne le diplôme de la pire mère de la Terre, quand même. C'est vraiment genre. Oh, tu travailles là-bas ? Oui, en gros, c'est pour payer ma. Comment ça s'appelle ça ? Mon traitement. Son traitement, etc. Oh, son aide à domicile. Dur. Mais en gros, elle n'est pas du tout scandalisée, elle n'est pas choquée, elle n'en a rien à foutre de sa gamine, franchement. Je crois que ça fait longtemps que tu n'as pas vu Precious. Hein. Tu ne te rappelles pas de la mère de Precious ? J'ai pas vu Precious. Ah, ouais, bon. J'ai vu il y a longtemps. Dominica, elle s'en va, elle revient, elle a la gueule toute amochée, elle dit mon enfant, qu'est-ce qu'on t'a fait ? Non, mais au secours. Et d'ailleurs, en parlant du coup de la taupe, Jeremy Irons, c'était pour moi le seul personnage qui avait vraiment un arc narratif un peu intéressant et on t'éclipse ça en 3 minutes. Et je me souviens quand on est sorti du ciné, Guillaume, on en a parlé, j'ai trouvé ça tellement improbable que pour moi ça faisait Deus. Tu me dis non, ça fait pas Deus, ça sort pas du chapeau, ça a quand même été un peu implanté. Bah, je suis désolée, non, en fait, on te dit on cherche une taupe et coucou, en fait, c'est Jeremy Irons. Moi, je l'ai vraiment pas vu venir, mais tellement pas vu venir. Que je trouve ça mal amené. Ah non, mais justement, moi j'ai trouvé ça super bien. J'avais absolument pas vu. Au bout d'un moment, carrément, on l'oublie la taupe. On l'oublie parce qu'on se concentre tellement. On sait que son but à Dominica, c'est d'obtenir le nom de la taupe du mec. On sait très bien qu'il lui donnera jamais. Et on part sur comment elle va faire. Est-ce qu'elle va réussir à rejoindre les États-Unis ? Est-ce qu'elle va rester en Russie ? Et le nom de la taupe, finalement, on l'oublie. Et le Jeremy Irons, je l'avais absolument pas vu venir que c'était lui. Et à la fin, je trouve que son idée de dire bon bah écoute, voilà, moi je suis compromis, je vais me sacrifier. Il fait ce que son oncle aurait dû faire pour elle, c'est-à-dire je vais me sacrifier, c'est toi qui va prendre ma place, peut-être pas maintenant parce que c'est vrai qu'il est très très haut placé, mais dire en m'arrêtant tu vas gagner du galon et tu vas devenir moi, tu vas en gros, et tu vas continuer mon travail. Bon, après c'est très très pro-américain pour dire c'est les Américains qui ont réussi, parce qu'il le dit, je me suis rendu compte que je suis né en prison. Bon, non, c'est un film ultra pro-américain, mais oui, mais son sacrifice, son plan était pas mal. Il dit je suis prêt à me sacrifier pour que tu puisses continuer mon œuvre. Et, ouais. Et Dominica arrive à la fin, c'est là où quand même elle est balèze, elle arrive à faire buter son oncle et à se venger, et à monter dans les galons et à garder le traître. Donc là, c'est une énorme victoire pour les Américains à la fin du film. Oui, enfin, en étant du coup complètement dictée, hein, enfin, tout est orchestré par les hommes, elle fait tout par rapport aux hommes. Ce qui est vrai, c'est que, d'ailleurs, ils le disent dans le film, qu'elle n'a jamais le choix. On lui dit, t'as pas le choix. Exactement. Et elle a jamais le choix. Ça, c'est vrai. Mais par contre, justement, la seule chose où elle avait le choix, où ça vient de son initiative, c'est ce coup monté à la fin, où elle met en scène que le traître est son oncle, alors que ce n'est pas son oncle. Et quel est son intérêt à faire ça ? Bah, à buter son oncle et d'avoir deux agents doubles en place, et de pas faire buter le vrai traître. Oui, la vraie taupe, ouais, c'est pro-américain. Complètement pro-américain. Ça, c'est ce que j'ai dit. Pour moi, c'est le défaut. C'est vraiment méchant russe, gentil américain. Mais là, c'est glorieux à ce niveau-là. Il n'y a aucune subtilité. C'est le film, à la fin, pour moi, ce que j'ai bien aimé dans le film, je le répète, c'est le côté on ne sait pas dans quel bord elle penche. Une fois qu'elle a fait son choix, c'est terminé. Quoi. C'est les Américains sont les meilleurs, sont les géniaux. Et à la fin, c'est les grands, grands, grands vainqueurs du film. Mais une autre chose, quand même, qui m'a chiffonné, c'était que. En fait, voilà, comme je voulais que ce soit de la manipulation jusqu'au bout, même avec l'Américain, parce que je trouvais que sinon, elle faisait confiance à l'Américain, mais très vite, bah oui. Et sans raison. Et ça, je trouvais que c'était un peu nul. Alors je me suis dit, ah, j'espère que c'est sur un plan où elle se dit, ok, justement, on lui a appris à l'école, ce que je trouvais bien, c'est que chaque personne est un puzzle, à qui il manque une pièce, et il faut que vous trouviez quelle est cette pièce, et que vous la combliez. Et du coup, vous aurez ce que vous voulez. Et du coup, je me suis dit peut-être que lui, ce qu'il veut, qu'elle s'était dit que lui, ce qu'il voulait, c'était de l'honnêteté. Et que du coup, elle lui apportait ça pour soutirer des choses. Mais en fait, non, elle était juste vraiment honnête. Ça aurait été encore mieux, évidemment. S'il y avait un dernier retournement de situation où en plus, elle avait fait tout ça, peut-être dans le 2, on ne sait jamais. Hein, c'est ici un 2. C'est vrai, mais au bout d'un moment, quand on réfléchit, on se dit, ok, bon, c'est un film américain, évidemment que c'est les Américains qui vont gagner. Et ça aurait été encore mieux qu'elle trahisse encore les États-Unis. Mais au bout d'un moment, elle aurait fait ça pour qui ? Son but à elle, son objectif quand même final, c'est que sa mère soit bien. Elle a fait tout ça pour sa mère, donc elle n'aurait pas eu intérêt à qui rentrer. A pourtant le diplôme de la pire mère de la terre. Elle fait tout ça pour sa mère, mais on essaye quand même de te faire passer un peu au forceps une histoire d'amour, mais on n'y croit pas une seconde. Même les scènes qui passent ensemble, c'est hyper rapide. Ça y est, maintenant il faut qu'on soit un peu amoureux. Je suis d'accord sur l'histoire d'amour qui est un peu, c'est pas une histoire d'amour, mais en tout cas c'est ce qui peut motiver son changement de camp. Oui, c'est ça, et surtout qu'elle risque de se faire. Enfin, elle sait très bien les méthodes des Russes, c'est surtout ça son changement de camp. Elle sait les méthodes des Russes, et que dès qu'elle n'aura plus d'utilité, elle se fera trucider. Donc, vaut mieux avoir un autre allié. Non, mais je suis pas d'accord. Toutes les scènes où ils sont ensemble, moi je voyais sur. On essaie tous les deux de se manipuler. J'ai pas regardé ça avec un œil en disant, ah, ils sont en train de tomber amoureux. C'était vraiment le côté. Qui va. Non, mais vous me dites ça, mais moi je l'ai pas vu comme ça, peut-être pour ça que j'ai apprécié le film. Mais c'est le côté. Moi j'essaie de te manipuler, toi aussi de te manipuler, c'est une partie de poker et c'est. All-in, moi je relance, moi je fais ça. Et c'est ça qui était bien dans le film. Et c'est pour ça que, en fait, c'est sûrement vous qui avez raison, parce que la dernière scène vous donne raison, quand elle est chez elle. Alors elle devient quasiment la pote de tous les généraux de Russie, elle reste dans le même appartement pourri oui. Où elle est. Ils auraient quand même pu la reloger à la fin. Elle est à moitié major de promo et elle reste comme dans son appartement pourri. Mais tu vois, pour en revenir sur toute la partie dans l'école, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Déjà, on la voit nue. Excusez-moi, mais enfin, voir Jennifer Lawrence. Mais non, mais Guillaume, c'est déjà franchement, tu dis ça, mais ça m'énerve, quoi. Franchement. Non, mais soit on fait un vrai film. C'est quand même, faut le préciser. On a vu un garçon nu aussi. Le réalisateur, on voit des garçons nus aussi. C'est le réalisateur de Hunger Games. Ok, ben, à la limite, je sais pas, montrez-nous la montée en puissance de futurs agents du SVR, mais je sais pas. J'aime pas l'angle qu'il a choisi. Pourquoi on montre. T'aimes pas le sujet du film, en fait. Le film n'était pas pour toi, parce que le sujet du film ne te plaît pas, mais le. Il traite son sujet. Oui. Peut-être, mais je suis extrêmement dérangée par ce film. J'adore les films d'espionnage, j'adore les films de manipulation, mais j'étais extrêmement mal à l'aise pendant ce film. Je trouve que les personnages sont horribles, le message est horrible, tout est crasseux. Non, je déteste ce film. Et dernière question, j'ai mal vu, mais c'est bien le mec qui jouait le rôle de Pita dans Hunger Games qui est avec lui dans l'école et qui lui dit il faut que tu la violes, tout ça, parce que je me suis dit ça serait osé de faire ça vu qu'on les a vus dans Hunger Games amoureux. Je crois pas. Après j'ai le petit blond là comme ça qui essaie de la violer dans les. Après je trouve que Pita dans Hunger Games c'est aussi fade que le plat le plus fade de la terre, donc je ne le reconnaîtrais pas entre mille. C'était une excellente métaphore. Oui, je n'avais pas de plat fade en tête. Donc non, c'est pas lui là qui. Je ne sais pas. Mais la scène, je n'ai jamais vu The American, donc vous pouvez me dire si je me trompe, mais il paraît qu'il y a une scène où le mec essaye de devenir espion, et puis il frappe à une porte, il y a une femme, il est obligé de coucher avec elle, il frappe à une autre porte, c'est une vieille, et il frappe à une troisième porte, et c'est un mec. Et il dit voilà, pour devenir espion, faut apprendre à coucher avec tout le monde. Et là, sauf que le film se concentre là-dessus, mais ça fait partie du boulot des espions. Mais après, c'est vrai qu'il y a une scène qui, je trouve. Elle est très dérangeante, mais je la trouvais forte, moi. C'est dans l'école des putes, Jennifer Lawrence, il y a un de ses camarades de classe qui essaye de la violer dans la douche. Mais c'est Pita, donc peut-être Pita, on ne sait pas qui c'est. Elle lui met, en gros, elle le tabasse. Et on les voit tous les deux en conseil entre guillemets, de discipline et on pense que c'est lui qui va se faire déchirer. Et c'est elle qui s'en prend plein la gueule parce, en disant... En gros, ta moche, physiquement, tu frappes un agent de notre État. Est-ce que t'es contre l'État? Et je trouvais ça terrible, mais j'ai trouvé ça assez surprenant et assez fort comme scène. Mais oui, et puis la scène où elle le manipule déjà pour le faire, pour qu'il arrive pas à bander, pour qu'il puisse pas la violer devant tout le monde. Non, on a compris quoi. C'est là, elle finit majeure de promo là. Mmh. Voilà. Mmh. C'était son examen final, faire débander quelqu'un. Bravo, ouais. Jennifer. Enfin, il y avait un conflit dans le film qui était comme hyper intéressant entre le sacrifice pour le sens commun et puis soi-même, et c'est complètement sous-exploité. Voilà, c'est quoi le sujet du film pour vous? Moi, je vous pose la question, j'ai pas compris le sujet du film. Les putes d'État. Oui, pour moi, c'est ça. C'est la manipulation via le sexe. Et la naissance d'un agent double. Aussi, oui. Bon, allez, on fait un dernier mot, Marine. Tu as le droit de dire tout le mal que tu as pensé de ce film. Lâche-toi. Est-ce que je peux le garder pour les dérecommandations? Je le dérecommande tout de suite. Non, tu n'as plus le droit de faire ça depuis un certain précédent. J'étais extrêmement dérangée par ce film. Je suis assez choquée qu'on fasse des films comme ça en 2018, surtout après ce qui s'est passé à Hollywood. Et je trouve que c'est vraiment une perte de temps. En plus, c'est trop long. Tout est mauvais. J'ai rien d'autre à dire. Bon, tu le mettras dans tes pires films de l'année 2018. C'est pour l'instant le premier. C'est le plus mauvais film de l'année que j'ai. Mais on est qu'en avril. Fiona? Si vous aimez les films d'espionnage, même si celui-ci est un peu long, et que vous aimez Jennifer Lawrence, et que vous aimez les putes d'État, allez-y. Oui, pareil, je trouve que c'est un film... si vous le regardez sans se dire ils sont amoureux, mais ils essayent de se manipuler, c'est plutôt agréable à regarder. Bon, il faut partir avant la dernière scène, parce qu'évidemment, vous vous rendez compte comme moi que vous n'avez rien compris au film. Mais sinon, c'était... je le recommande. Et on enchaîne avec La mort de Staline, écrit par, alors je vais écorcher les noms, je suis désolé, Armando Yanuk, David Schneider et Yann Martin. Et c'est Armand qui nous le pitch. Alors, le film se déroule en URSS en 1953, en pleine terreur stalinienne. Les purges ont atteint leur apogée, il suffit d'avoir son nom sur la maudite liste de Beria pour y passer. Du médecin-chef au chef d'orchestre, en passant par les plus hauts dirigeants du parti, tout le monde a peur pour sa vie. Jusqu'au jour où une pianiste rebelle décide d'envoyer un mot d'insulte au chef suprême. En lisant le mot, ce dernier fait une attaque. À partir de là, c'est la course. Beria, Khrushchev et compagnie. Tous les conseillers se bousculent pour essayer de prendre la place de Staline, et donc le pouvoir. Je prolonge un tout petit peu le pitch. Je t'en prie. En précisant que ça se passe surtout entre Beria et Khrushchev. C'est comme un duel entre Beria et Khrushchev, plutôt qu'avec tous les conseillers. Voilà. Oui, c'est parmi tous les conseillers, il y en a deux qui ressortent. Voilà. C'est de là, et c'est qui va. Enfin, c'est une bataille de succession, qui va avoir le nouveau. Enfin, qui va avoir l'URSS en main. Exactement. Après la mort de Staline. Alors, je vais commencer par donner mon avis, parce que, outre, après, on passera à quel est le message du film et tout. J'ai vraiment passé un bon moment, je me suis vraiment, vraiment marré devant ce film. C'est un humour qui pourtant me ressemble pas énormément, mais c'est tout ce côté absurde. Chaque scène, il y a une petite blague absurde qui diffère de l'une de l'autre, et j'ai vraiment passé un bon moment. Fiona? Alors moi, je suis très perturbée par ce film parce que je l'ai pas ni aimé ni pas aimé. Je suis sortie de là en me disant mais qu'est-ce que je pense de ce film, parce qu'il y a plein de moments où je me suis dit ah ça c'est drôle, c'est intelligent, c'est bien foutu, mais je riais pas. Et pourtant moi justement je suis plutôt friande de ce genre d'humour, mais il y a quelque chose qui ne prenait pas pour moi, et malheureusement là c'est là où j'ai mes failles, je ne sais pas mettre le doigt sur ce qui m'a dérangé, mais quelque chose m'a dérangé. Ah, d'accord, tu as trouvé ça intellectuellement drôle mais c'est pas arrivé jusqu'à ta bouche. Exactement. Oh, d'accord, Claire. Bah, moi je pense, je rebondis sur ce que tu dis Fiona, en fait je pense que si je me trompe pas le film est adapté d'une bande dessinée en fait. Ah. Et autant moi je voyais vraiment les cases des bandes dessinées sur ces temps, sur ces silences, autant l'adaptation en film fonctionne moins bien pour moi. Et ce qui me sortait en fait, je pense, il y a une forme d'humour british, oui, qui pour moi en fait m'a totalement sortie de l'histoire russe en fait, même si dans l'absolu c'était drôle et ça allait bien avec l'absurdité du système russe à cette époque, mais cet accent british vraiment, en fait j'étais en train de me dire mais je regarde vraiment un film qui se passe en Russie, c'est avec un humour très... c'est pas grave ça, je veux dire, non, c'est pas grave, mais ça, je pense que ça fait vraiment partie des choses qui m'ont un peu sorti du film. Mais ils auraient pu prendre l'accent russe comme dans Red Sparrow et je dire que c'était pas mieux. Voilà. Moins drôle. Par rapport à l'accent, oui, ça m'a gêné en fait de la même manière. Mais j'ai compris après, je vais vous dire après pourquoi ça m'a gêné. Ah. Je veux pour contre-exemple un film qui s'appelle Valkyrie avec Tom Cruise, où l'accent gêne pendant les 2-3 premières minutes. Ils sont allemands dans Valkyrie. Et en fait après ça passe crème alors qu'on te donne de l'accent british, et tout d'un coup quand Hitler parle on te remet de l'accent allemand alors qu'il parle anglais, ce qui est un peu étrange, mais c'est vrai que fondamentalement tu ne peux pas entendre Hitler parler anglais sans accent allemand, ça n'est pas possible. Donc en fait, et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça. Après Valkyrie, c'est un drame, c'est pas la même chose, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi, et en fait c'est tout simplement parce que je suis resté en dehors de l'émotion qu'il y avait dans La mort de Staline. Dans La mort de Staline, je trouve que toutes les scènes ont été brillamment dialoguées. C'est brillant. Il y a plein de choses qui sont vraiment très drôles. Même quand c'était effectivement pas drôle, je ris à gorge déployée. Effectivement, à l'intérieur, ton cerveau rit. Mais ça marche quand même. Ça fonctionne. C'est un humour interne. Mais on a un pur problème de dramaturgie, ce qui fait que ce film, qui pourtant a été fait par des mecs géniaux, je pense, est aussi démuni que n'importe quel autre, en fait, n'importe quel autre film. C'est que l'émotion, en fait, ne passe pas. Tout simplement parce que je trouve qu'on n'a pas assez... Enfin, elle passe pas tout le temps, attention, elle passe pas tout le temps. Je pense que l'émotion passe à des moments où elle aurait pas dû passer. Lesquels, par exemple? En fait, tous les moments tristes, ça qui est horrible, c'est qu'il y a plein de moments qui sont glauquissimes, qui font presque penser à la liste de Schindler en termes de froideur et de cynisme. Mais lesquels? Les moments tout simplement où on abat très froidement des civils. En fait, c'est bizarre, mais on est en empathie avec ces civils-là, alors que quand Khrushchev est à ça, de se prendre une balle dans le dos parce qu'il y a quelqu'un qui va le trahir, tu es moins ému, parce qu'en fait, tu comprends pas vraiment ces enjeux. Tu te dis, c'est que des gens qui luttent pour du pouvoir, comme c'est tous un peu des connards, t'as du mal à t'identifier à cet enjeu-là. Alors que si simplement on disait, ils sont tous en danger de mort, parce que dès l'instant qu'il y en a un qui va prendre le pouvoir, il va tuer tous les autres, là, je les aurais un peu plus suivis. Je vois Claire opiner du chef. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Oui, en fait, je suis complètement d'accord parce que le film commence par une scène de concert. Et on a le directeur de la salle de concert, je suppose, qui reçoit un appel de Staline qui lui demande d'enregistrer le concert, et le concert n'a pas été enregistré, donc il y a une scène totalement absurde où il redemande aux spectateurs de revenir dans la salle et aux musiciens de réenregistrer le concert. Et là, pour le coup, c'est vraiment drôle et touchant, et on est en panique avec lui parce qu'on est en empathie avec ce personnage, alors qu'on vient à peine de le rencontrer. Et pour le coup, tous les politiques qui sont autour de Staline, on n'est pas du tout en empathie avec eux. C'est des gens qui sont extrêmement cyniques. En vrai, ils luttent pour leur vie. En vrai, ils ne luttent pas pour le pouvoir, ils luttent pour leur vie. Mais vraiment, parce que chaque mot que tu dis est un risque de te prendre une balle dans la tête. Et ils sont en fait, ils sont en train de lutter pour rester en vie. Et c'est vrai que tu as raison, on ne le met pas assez en avant. Parce que je trouve que en fait chaque étape de leur lutte contre le pouvoir, on comprend ce qu'ils font au moment où ils le font ou alors après. On comprend pas forcément. Enfin, les enjeux sont pas vraiment annoncés. Quand on montre que Khrushchev va avancer tel ou tel pion, on sait pas en fait ce que c'est son but ultime. On sait juste voilà, il veut prendre le pouvoir, mais les choses se décident un peu sous tes yeux et donc tu découvres au fur et à mesure. Ah, il fait ça pour ça. Ah, il fait ça pour ça. Alors que si on montrait Khrushchev qui dit je vais faire ça et que bim on lui met un obstacle et ben en fait tu serais dit ah mince il va pas y arriver alors que là tu découvres un peu les choses je trouve a posteriori. Ah mais je vous trouve extrêmement dur hein, vraiment. Alors c'est peut-être parce que je me suis pas posé autant de questions que vous mais comme tu l'as dit tu prends chaque scène les unes après les autres elles sont toutes réussies et la première scène dedans, où, c'est une scène de caractérisation pour montrer le climat de terreur. Elle est magnifique, le mec qui l'opéra n'a pas été enregistré, il va prendre des passants dans la rue pour qu'il y ait une bonne acoustique dans la salle, mais elle est vraiment réussie, et on montre directement, et la petite rebelle qui finalement, alors pour moi c'est pas elle qui l'a tué, ils la mettent là comme ça, parce que je pense pas que c'est son mot qui a tué Staline, mais ensuite chaque scène est réussie indépendamment. Quoi. Après oui, c'est vrai que peut-être moi je me suis pas posé autant de questions en disant « Ah mais attends, mais quel est l'objectif ?» Je le comprends, l'objectif c'était Beria et Khrushchev qui tous les deux voulaient prendre le pouvoir, et qui va réussir à manipuler les autres pour réussir à avoir le plus de voix, et en ça, ça marcherait très bien. Armand. C'est juste, tu l'as dit toi-même en fait, tu l'as dit, les scènes sont réussies. Les scènes sont toutes réussies, tu peux prendre n'importe laquelle des scènes, tu la mets en extrait, ça cartonne, c'est absolument génial. C'est un film mais fait pour l'ensemble. C'est l'ensemble, c'est ça, c'est que les scènes sont extrêmement réussies, mais vraiment, là je le répète, c'est drôle, c'est brillant, c'est hyper... En plus de ça, bon, c'est bien joué, c'est bien réalisé et tout, mais les scènes sont réussies, mais l'ensemble du film fait qu'en fait, au bout d'un moment, t'as l'impression un peu de voir une série de sketchs brillants, mais une série de sketchs. Je me demande maintenant en t'entendant parler, Armand est aussi clair. Effectivement, peut-être les scènes de rafle de civils. Non, mais il y a eu ça à un moment, il y a une scène de rafle de civils. Hein. Donc tu dis. Alors, à chaque fois, je me dis, je vois ce qu'ils veulent faire. Je vois ce qu'ils veulent faire, mais du coup, il y a quelque chose qui passe moins. Et effectivement, le début avec cette scène de concert est vraiment, vraiment très bien. Et les dialogues sont très bons, mais j'ai eu la sensation pendant que je regardais le film de me dire est-ce que ce serait pas mieux en court-métrage ? En fait, je me suis dit ça, peut-être que c'est trop long, peut-être que ça manque de rythme, mais peut-être que cette situation, cet humour ne tient pas aussi longtemps et qu'il aurait fallu peut-être tout resserrer, mettre un peu plus de rythme pour avoir vraiment que des punchlines comme il y en a. Hein. Il y a des répliques qui sont vraiment très drôles, qui auraient permis, en tout cas, qui m'auraient permis, je pense, d'extérioriser mon rire et pas de le garder à l'intérieur rien que pour moi. Non, mais encore une fois, je trouve pas qu'il y ait de problème de rythme dans ce film. À part, il y a deux trois scènes peut-être un peu trop longues. Mais regarde la scène où il y a l'armée russe qui arrive. C'est peut-être l'armée juste de Beria qui investit les lieux où Staline vivait et ils s'entretuent tous. Et c'est vraiment, mais ça devient du burlesque absolu où ils foutent tout le monde dans des camions puis ils se barrent. Et juste le mec qui vient de foutre le mec dans le camion, il se prend une balle dans la tête et tout. Enfin, ça c'est objectivement un mourir de rire. Pareil, je sais pas pourquoi, je trouve ça drôle, mais je ris pas. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En réalité, c'est pas assez sketchisé, si je peux me permettre un mot aussi nul. On te met quand même de la musique qui est un peu angoissante, et t'es tellement habitué, je trouve, dans d'autres films, à ce qu'on te montre la mort et la misère, les exécutions. Avec de la musique, avec des effets où on te met des gros plans. Là, en fait, c'est montré de manière tellement froide et cynique, c'est-à-dire que c'est vraiment au passage, tu vois, un type rentrer dans le plan, ah, salut, bim, balle dans la tête, bim, balle dans la tête, bim, balle dans la tête. Avec la musique qu'ils mettent, ça m'a glacé le sang. Mais après, en fait, si je peux me permettre, je crois que je comprends, mais malheureusement, c'est de l'intellectualisation et c'est pas de l'émotion, c'est que j'ai l'impression que ce qu'ils ont voulu montrer, c'est en mettant l'empathie sur ces exécutions, sur les pauvres gens qui étaient manipulés et ces grands guignols qui luttaient pour le pouvoir, j'ai eu l'impression qu'ils nous ont cherché à nous montrer comment en fait les puissants en fait s'amusent avec des enjeux misérables et ridicules, alors qu'il y a des centaines de gens qui meurent en fait. Pour le coup, je l'ai compris comme ça, de me dire pour les gens justement qui vivent là-bas. C'est vraiment la terreur. Et en fait, tout ce qui leur arrive, c'est à cause de ces gros idiots, quoi. Mais c'est le décalage qui est censé être drôle. Mais je pense peut-être que ça manquait un peu plus, justement, encore un tout petit peu plus d'absurdité pour qu'on rentre vraiment dedans. Peut-être qu'il fallait encore franchir un petit cran pour qu'on soit vraiment avec eux. Parce que la scène où Beria ferme Moscou, puis t'as Khrouchtchev qui dit bah ouvrez, il dit ça on verra, ça sera son problème quoi. Donc c'est vraiment pour le foutre dans la merde, quitte à ce que tout le monde meure. Ils s'en foutent, c'est évidemment que c'est des salopards, c'est tous des salopards. Mais moi j'avais quand même de l'empathie pour eux parce que je les voyais quand même essayer. Ils avaient un objectif clair qui était devenir le chef du nouveau parti et ils se détestaient tous. Et qu'on soit clair, c'est comme ça dans tous les partis politiques. Hein. Vous allez chez les Républicains aujourd'hui, je suis sûr qu'ils se sont reconnus. Hein. Ah, t'as pas d'empathie pour Beria, t'as de l'empathie pour Khrouchtchev. Ah non Beria je le comprends quelque part. Pour moi c'était le mec le plus intelligent, c'est lui qui avait vraiment. On va dire comme Fillon, c'est lui qui avait le programme le plus clair, on va dire. C'est Khrouchtchev, non, le plus intelligent parce que. Ah, pour moi, c'est Beria. Ah non, pour moi, c'était aussi Khrouchtchev. Bon, en tout cas, c'est. Non, en fait, il est le plus humaniste. C'est le plus humaniste. En fait, enfin, Beria, je m'étais. Pour moi, il est trop frontal, alors que Khrouchtchev, il est plus malin quand même. C'est plus une anguille, on le voit arriver moins vite. Beria fait une erreur, c'est quand il fait sa Charles Pasqua, là, et qu'il dit j'ai des dossiers sur tout le monde. Il dit j'ai des dossiers sur toi. Ça, c'est une erreur. Là, quand j'ai vu ça, je me dis mais qu'est-ce que tu fais, mec? T'es en train de te mettre tout le monde à dos alors que t'avais besoin de ça. C'est sa grosse erreur parce qu'il a pété les plombs. Mais tu vois, c'est lui qui va sortir la fille de prison d'un mec. Tu vois, vraiment, il c'est un manipulateur. Enfin, c'est presque un film d'espionnage pour faire plaisir à Remix. Mais c'est. Non, Beria, pour mon. Enfin, j'allais dire, j'étais pour lui. J'étais pour Armand Göring dans les échelles. Mais en fait, donc, si je vous comprends bien, vous dites que c'est une très bonne suite de sketch, mais que ça en fait pas un bon film. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'on manque un peu d'empathie avec les personnages pour pouvoir vraiment apprécier le film. C'est parce que tu n'es pas une vraie patriote. Je m'en tape un petit peu de l'empathie, pour le coup, dans ce genre de film. Mais il manque un cran d'absurde en plus, pour que je sois vraiment avec eux. Donc, non, mais tu me dis un manque d'absurde, ça aurait dû passer dans l'irréaliste. Non, mais leur ajouter encore une couche de... grossier, de burlesque, pour qu'on soit vraiment. Qu'on les trouve encore plus ridicules. Parce que là, en fait, ils sont ridicules, mais ils sont quand même intelligents. Ils sont crédibles. Hein. Ouais, ils sont crédibles. La scène, il y a Staline qui est par terre, qui est couvert de pisse, et ils se mettent à 8 pour le soulever. Ça, c'est drôle. Et t'en as un, t'as Staline qui passe sur lui, il y a de la pisse partout sur son visage. Si c'est pas burlesque et ridicule, justement, il y a certaines scènes qui m'ont fait plus rire, justement. Non seulement celle-ci où il dit putain, pourquoi c'est moi qui ai le genou dans la pisse, quoi. Ça me fait plus rire parce que je les trouve vraiment. Pour moi, on se moque d'eux, on rit d'eux tout le temps. Et peut-être que c'est justement. Peut-être que justement, je ne veux pas d'empathie avec eux, je veux les voir ridiculisés. Et donc, du coup, un peu plus absurde. Parce que c'est des salopards. Oui, c'est ça. Mais regarde toute la scène où il y a la fille qui arrive. Et ils se jettent tous sur elle en disant ah, mais ma petite et tout, parce qu'ils savent qu'on s'en souvient. Et le fils, enfin, il est incroyablement ridicule. Rappelle-toi la scène où il est par terre et il essaye de cracher et il se crache sur sa gueule. Enfin, ouais, mais moi ça me fait pas rire. Non, parce que c'est pas ridicule scène, ça. Une scène qui m'a fait rire dans le burlesque, par exemple, c'est quand ils font la course dans le bois pour arriver les premiers justement où ils sont ridicules, ils marchent comme ça, comme des espèces d'idiots, juste pour faire un câlin en premier à la fille de Staline. Ça, je trouve que c'est le bon ton de burlesque et de grotesque. Mais effectivement, peut-être que c'est trop terni par les gens qui meurent, les rafles autour, où tu te dis, bon, en fait, je ris un peu d'eux, mais... ouais, c'est quand même des affreux salopards. En termes de burlesque, pour moi, la scène la plus burlesque, c'est quand il y a le fils qui essaye de prendre le flingue du garde. Il essaye, le garde se bat contre lui, et la scène dure 40 secondes, et tout le monde regarde comme ça. C'est vraiment plan à l'aider chiant. Et puis regarde, il bouge pas. Et puis tu les vois, les deux en train de se battre. Enfin, là, je sais pas ce qu'il vous faut. Non, mais oui, mais vous marrer. Et là, vous êtes pas marré à cette scène. Mais si, c'est mort de rire. Moi, j'ai souri, plus il est dur, plus tu te marres. J'ai pas arrêté de dire que c'est exceptionnel l'humour qu'il y a dans ce film, vraiment. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, tu te surprends à te dire. Bon, c'est un peu long, alors que c'est génial ce qui se passe. Mais c'est juste parce que, en fait, ouais, au bout d'un moment, tu satures. En fait, t'as besoin de suivre un personnage, en fait. Oui, t'as envie d'en voir d'autres. Dans un film qui est très similaire en termes de ton, c'est In the Loop. Qui a été fait par les mêmes mecs. Hein. Donc voilà, c'est pas pour rien. Mais dans In the Loop, en fait, les enjeux sont vraiment ridicules. Il n'y a pas de gens qui se font tuer par centaines en toile de fond. Ouais, mais ça, c'est encore plus drôle. C'est une énorme bande d'abrutis. Qui veulent juste savoir où va se tenir le Secret War Committee et y assister, en fait. Les enjeux sont ridicules et en fait tu les vois se débattre. Alors que là, en réalité, il y a quand même des. il y a quand même des enjeux de vie ou de mort, mais pour les autres. Et l'accent, en fait, l'anglais pour les diplomates russes, ça passe pas. Il y a des enjeux de vie ou mort pour eux aussi. Hein, regarde, à la fin, d'ailleurs, c'est la scène. Mais ça, on te le fait pas sentir. Oui, on te le fait pas sentir. En fait, justement, le burlesque et le ridicule font que tu te dis juste, bon, en fait, c'est des connards qui veulent plus de caviar que les autres. Et c'est tout. Quand tu prépares le coup d'État, tu sens la tension monter. Et puis la fin, c'est la seule scène qui franchement, qui la tension, pas une comédie. Tu la sens pas monter. C'est hyper intellectualisé. La seule scène qui n'est pas une comédie, c'est quand Beria se prend une balle dans la tête. Mais justement, ça vient tellement comme une surprise à ce moment-là. Justement, moi, j'ai trouvé ça encore mieux. J'ai dit, c'était une vraie franche comédie. Et d'un seul coup, t'as une scène où t'as un mec qui se prend une balle sur la tête. Il lui fout. Je trouve que ça aurait été une vraie franche comédie si jusque-là, on n'avait pas eu toutes ces scènes où t'as des gens qui se font liquider par dizaines et par centaines. Ou si ça avait été tourné vraiment comme des sketchs. Jusqu'à la fin. Et que là, tout d'un coup, on avait la mort de Beria, qui effectivement est surprenante et était un moment. Waouh! Oui, là, c'est plus du tout le même film tout d'un coup. Mais c'est vrai, encore une fois, c'est brillant. C'est juste que, sur le suivi, sur la totalité du film, il y a ça qui me manquait. Mais en dehors de ça, j'aimerais pouvoir écrire une scène comme ça un jour. Putain. Je te le souhaite, vraiment. Claire, un dernier mot? Non, j'ai rien à rajouter. C'était assez. Complet. Très bien. Bon, alors on finit par le tour final. Est-ce que tu recommandes ce film, Armand? Je recommande quand même, absolument. Merci. Claire? Oui, moi aussi pour les scènes. Ah, vous n'avez pas aimé, mais vous le recommandez. Hein. Fiona? Moi, je le recommande. Je ne sais pas si je le recommande ou pas parce que j'ai trouvé ça intelligent et bien écrit et drôle, mais je n'ai pas ri. Et dans la salle, ça n'a pas beaucoup ri non plus. Et donc, du coup, je pense qu'il y a une petite sauce qui n'est pas là et malheureusement parce qu'il mérite que la sauce prenne. En 3, il y a tous les ingrédients pour faire une bonne mayonnaise, mais ça n'a pas pris. Quoi. Exactement. Alors que moi, non, je le recommande. Tout le monde s'est marré dans la salle. C'était probablement le mec qui me marrait le plus. Et vu que j'ai un rire communicatif, peut-être que j'en ai les autres. Mais en tout cas, vraiment, la salle, c'était vraiment. Et j'ai vraiment passé un bon moment. Et je le recommande. Ça fera probablement partie de mes films de l'année. Hein. Allez, on finit avec Ready Player One, le gros morceau de la semaine. Écrit par Zach Penn et Ernest Cline. Et c'est Fiona qui nous le pitch. Ready Player One, c'est l'histoire de Wade Watts, qui est un jeune homme un des quartiers de Columbus, qui vit dans la pauvreté et qui a une famille merdique. Il vit avec sa tante et le mec de sa tante, qui n'est pas, avec qui il n'entretient pas de bonne relation du tout. Mais il peut s'échapper dans un monde virtuel où il est, qui s'appelle l'Oasis, où il devient Percival. Excusez-moi, je n'arrive pas à relire mes notes. Très bien. Je n'arrive pas. Alors, non, voilà. Bon, ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, dans l'Oasis, il recherche trois clés que le créateur de la série a cachées. Et si la personne qui trouve les trois clés aura le contrôle total du jeu et héritera d'une colossale fortune. Mais contre lui, il y a le directeur d'une multinationale maléfique, il s'appelle Nolan, et il veut lui aussi, et avec toute son entreprise, participe au jeu pour trouver les trois clés, et pour rendre le jeu payant et le truffer de publicité. Marine, peut-être quand même Remix. Oui, Remix. Ce qu'il faut peut-être aussi préciser, c'est qu'on est en 2045, on est dans un futur proche, et ce jeu de l'Oasis a été créé parce que la réalité est absolument atroce, et que c'est un moyen de s'échapper, et que dès la scène d'ouverture, hein, on comprend que c'est un moyen de devenir celui ou celle qu'on rêve d'être. Ah, c'est carrément plus que ça, l'Oasis, c'est... J'ai l'impression que l'économie de ce monde est basée là-dessus, quoi. C'est que le mec de la tante du héros claque tout son pognon pour essayer de parier pour un jeu pour gagner des fonds. On a l'impression qu'on ne connaît pas énormément de choses dans ce monde, mais clairement l'économie passe à travers ce monde. C'est comme ça que tu peux gagner de l'argent, c'est comme ça que tu peux essayer d'améliorer ton niveau de vie, parce que clairement les personnages vivent donc à Columbus et vivent dans un énorme bidonville où, et là visuellement j'ai trouvé ça très bien, parce que visuellement le film est absolument magnifique, et ils vivent dans des caravanes posées l'une sur l'autre, sur l'autre, ouais. Ça, vraiment, il n'y a même plus de place pour des caravanes, et maintenant on les fout en bloc. Ils nous disent aussi que l'argent ou les points qu'ils gagnent dans le jeu, je ne sais plus si c'était de l'argent ou des points, représentent vraiment tout ce qu'on a, et ils montrent ça par une scène où il y a un japonais, je crois, qui dans son boulot qui joue et qui perd tout et qui puis qui hésite à se suicider, quoi. Enfin, qui court pour se suicider, mais on l'en empêche, quoi. On c'est en vraiment. En gros, tu perds tout dans le jeu. Tu perds tout dans le jeu. Tu perds tout dans la vie. Oui, oui, les conséquences du jeu, enfin, de la réalité virtuelle. Il y a des vraies conséquences dans. Ah, mais toujours. De toute façon, tous les films où il y a un monde virtuel, ils essayent de te mettre le même enjeu, que ce soit dans la vraie vie ou dans Matrix. On lui dit, si tu meurs dans le monde virtuel, tu meurs aussi dans le monde réel. Ils sont obligés. Mais ce film, il était fait pour moi. Il était vraiment, tout était réuni. C'était que des jeux vidéo, c'était de l'action. C'était pas des mecs en Italie qui se tournaient autour là. C'était, pardon, il fallait que je la sorte. C'était vraiment. Et malheureusement, je trouve que c'est un gâchis ce film parce que, alors c'est peut-être parce que c'est un film pour enfants, mais c'est beaucoup trop enfantin quoi. Il faut que je parle du méchant. Hitchcock disait un film est réussi si le méchant l'est. Là, le méchant est un bouffon insupportable. Bah, c'est un peu, tu mets le doigt sur le plus gros problème du film, à mon sens, c'est les personnages. C'est que des archétypes. Ce n'est que ça. En fait, c'est des archétypes. C'est un film qui rend hommage à la culture des années 80-90. Et en fait, c'est des archétypes de cette époque-là. Et jamais ils vont dépasser ce statut d'archétype, en fait. Oui, mais c'est pas. Enfin, c'est clairement, c'est pas un film de fait pour les personnages et pour. Ça reste un film d'aventure et de divertissement. Les meilleurs films de divertissement, c'est quand les personnages sont un peu plus profonds que ce qu'on nous propose au départ. Oui, partir de l'archétype, c'est pas un problème, mais en tout cas, essayer de le dépasser. Là, franchement, on a le geek, forcément un peu introverti, oh, il est pas très beau. La fille qui est un peu différente parce qu'elle a une tache de vin, mais bon, en fait, elle est quand même trop belle à l'intérieur. La lesbienne. Les Asiatiques. La lesbienne ? Bah, bien sûr. Qui est lesbienne dans ce film ? Bah, la H. Mais je suis pas sûre qu'elle soit lesbienne. Hein. Je pense juste qu'elle est masculine. Hein. C'est qui la black ? Ouais. Elle est lesbienne. Bah, j'ai pas compris ça. En tout cas, pour m'être renseignée sur le film. Elle est dans Master of None. Elle est masculine, c'est tout. Ça veut pas dire qu'elle est lesbienne. Non, non. Elle se fait tracher sur Internet justement parce qu'elle, elle s'assume comme en tant qu'actrice black lesbienne et elle s'est fait tracher par rapport au film. Ah, l'actrice, mais là on parle du personnage. L'actrice. Oui, non, mais c'est que là, pour en revenir sur le personnage justement de la fille, j'ai oublié comment elle s'appelait. H ? Non, pas H, la fille, l'elfe. Je ne sais plus. Bref, Artemis. C'est qu'elle lui dit la scène Dans plus ou moins d'amour. Son prénom, Sabrina ou Samantha. Enfin, la scène d'amour, ils sont tous les deux en train de voler, elle est très belle. Mais il lui dit j'ai envie de te rencontrer. Il dit ouais, non, je suis pas comme ça dans la vraie vie et tout. Bah arrête, t'es hyper mignonne, enfin, c'est pas la peine de mentir. Bon, alors je voulais venir sur cette scène plus tard, mais je vais le dire maintenant. Moi, globalement, juste, j'ai vraiment beaucoup aimé le film parce que vraiment, pour le coup, c'est un pur divertissement. Je me suis éclatée à le voir. Maintenant, on est là pour parler que du scénario et c'est le point faible du film. Ouais. Mais donc, du coup. Mais l'histoire d'amour le scénario. Ah, le scénario entier. Non, pas en entier. Pas en entier, je vais le défendre parce que j'ai aimé quand même. Mais j'ai aimé. C'est pas pour le scénario que je l'ai aimé, voilà, soyons clairs. Non, le scénario, je vais en revenir, mais juste sur cette scène-là, justement, qui est le point qui m'a le plus énervé, en fait, justement, c'est cette Artemis qui dit « je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, nanana ». Et elle arrive, et la nana est ultra mignonne. Et en gros, enfin moi je trouve que c'est le fantasme de tout gamer. Pour le coup, là tu devrais être choqué qu'on monte ça en 2018, parce que on te dit, en gros, quand t'es quelqu'un horrible en 2018... à Hollywood, enfin en 2045, t'es ça. T'as juste une petite tache de vin, quoi. Mais c'est affreux pour toutes les femmes du monde, quoi, on dit. Elle est hyper jolie. Moi, au début, quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, clairement, c'est Hollywood, ils vont pas nous mettre une moche, malheureusement. J'aurais bien voulu qu'elle ait une gueule, quoi. Comme on dit, c'est pour parler des moches. On dit qu'elles ont une gueule. Mais je me suis dit, ah, elle va être handicapée, elle va être en fauteuil, elle va avoir quelque chose, quoi. Et non, et à un moment, on la découvre avec sa mèche de cheveux cachée sur l'œil. Et là, moi, je me suis dit, ah, elle va avoir comme dans... Moi, j'ai vu comme dans Walking Dead, l'œil troué par une balle, quoi. Un truc qui est bien moche et horrible et difficile à soutenir, à voir. Eh bien, non. Et là, je dis, quoi, c'est quoi ? Elle a une tache de vin. Qu'on voit à peine, en plus. J'ai dit, c'est un scandale. Vous voulez casser toute la confiance en elle de toutes les filles du monde en montrant ça, et je trouvais ça scandaleux. Oui, mais c'est le love interest du personnage. Comme tu dis, dans un film hollywoodien, la fille ne peut pas être... peut pas être moche, c'est juste justement impossible. Alors je sais pas, je me suis dit peut-être qu'elle est handicapée, peut-être qu'elle est en fauteuil. Ouais. Tout le monde debout. Claire. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Tu veux de l'aide ? Okay. Je veux de l'aide. Hein. Non, mais c'est divertissant, ça fait le job, c'est clair. Moi, je l'ai vu en 3D, je sais pas si vous l'avez vu en 3D. Oui, je l'ai vu en 3D. J'ai trouvé que la 3D est vraiment sublime. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film en 3D, et franchement, pour ça, ça vaut le coup. J'ai adoré le segment sur Shining. J'ai trouvé ça mais improbable, incroyable de revoir Shining avec. Oui, mais voilà, c'est un film et ils s'en cachent pas. Mais je regarde la saison 20 là, de South Park en ce moment. Pour ceux qui connaissent, ils ont, toi Claire, ça veut dire quelque chose, ils ont inventé des petits raisins, c'est les Rememberies. Et c'est des petits raisins qui disent: ah, tu te souviens comment c'était cool Indiana Jones? Tu te souviens comment c'était cool Star Wars? Et ben ce film, c'est ça. Ce film, c'est. C'est pour ça que c'est fait pour moi, parce que c'est fait pour les nostalgiques. Et c'est, on reparle de Shining. Moi j'ai détesté Shining, mais on reparle de Shining. Ils nous foutent la DeLorean, toutes les références. Mais le premier quart d'heure, moi qui est un gamer, tu les comptes, tu oui. passes ton temps, mais ça va être ça tout le film. T'as que, et il paraît qu'à Lara Croft, je l'ai raté, mais c'est que enfin, le début. Le traitement de l'information est quand même vraiment compliqué. T'as une voix off, ça t'explique tout. Le monde est très compliqué, c'est pour ça aussi que je vous trouve dur pour les personnages archétypaux. Oui, ils sont archétypaux, mais enfin, vous avez vu le background qu'il faut expliquer de tout le film. Qu'on est en 2045, faut expliquer les enjeux, faut expliquer les trois clés. Ça fait quand même beaucoup, peut-être Fiona. Peut-être qu'il fallait faire plusieurs parties. Alors, justement, je trouve que le scénario. J'aurais préféré qu'on ait pas une exposition avec une voix off pendant 15 oui, minutes. Évidemment que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, mais c'est un film familial. C'est un film familial et c'est pour ça qu'il y a plein de faiblesses de scénario que moi je pardonne, parce que c'est un film aussi pour les enfants qu'il faut qu'ils comprennent. Et qu'effectivement, c'est pas logique du tout que Wade Watts arrive à trouver des clés qui nous paraissent un peu évidentes quand on voit le souvenir du créateur de Hallyday qui dit « Ah, j'aimerais bien revenir en arrière ». Oui, ça fait 5 ans que les mecs cherchaient ça. Oui, il utilise des métaphores de la bagnole quoi, pour dire « Et aller à fond de balle en arrière !» Alors ça, non, mais ça, c'est un hommage à un circuit de Trackmania. Ou en fait, si tu partais en arrière, tu gagnais la course. D'accord, mais peut-être. Mais c'est ça, il y a tellement de références. Ça, moi, je m'en fiche parce que moi, je ne les ai pas les références. Attends, j'essaie de finir ma pensée. Je me suis dit, c'est pas logique que Wade découvre ça alors qu'il y a quand même une société avec des mecs payés à faire ça depuis 5 ans. Ils sont, je ne sais pas combien, ils ont 5000 à faire ça. Oui, mais ils n'ont pas trouvé. C'est pas logique, c'est mais c'est pas grave. C'est le parcours de l'élu. C'est le parcours de l'élu qui est meilleur que les autres. C'est pas logique, c'est ça que je veux dire. C'est une faute de scénario. Enfin, mais c'est pas une faute de scénario parce que c'est un film familial et t'es obligé d'avoir justement un héros plus puissant et plus fort. Il faut faire simple. Les trois clés, pareil. Donc c'est normal qu'il faut qu'ils réussissent les épreuves, etc. Donc non, moi, je pardonne. C'est d'autant moins logique qu'il me caractérise le méchant Nolan comme un mec qui n'aime pas la culture geek, qui n'aime pas les jeux vidéo et qui a quelqu'un qui lui souffle. Mais tous les mecs qui bossent pour eux s'y connaissent. Il y a plein de scènes, on les voit parler ensemble. Et t'en as une qui dit non, mais quand il cherche le dernier jeu, il dit non, mais ça doit être Adventure. Donc les mecs s'y connaissent énormément. Donc s'il suffisait d'aller dans cette espèce de musée où d'ailleurs là aussi c'est l'exposition est mal faite, où le mec il y va tout le temps et il réexplique tout probablement pour nous. Là, c'est juste. Évidemment, pas possible. Bah oui. C'est pour ça. Et pareil, je pense que donc tout ça, la simplicité, enfin le fait que Wade y arrive soudainement, alors qu'il y a des mecs qui cherchent pendant 5 ans, depuis 5 ans ça, et l'introduction qu'on aurait préféré voir par l'image et découvrir nous-mêmes, je les pardonne parce que c'est aussi pour les enfants. Il faut pas l'oublier. Ensuite, pour les références, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait parce que il y en a plein que j'ai pas. Moi, à part la DeLorean, je connaissais rien, honnêtement. Et Shining, ok, c'est les deux choses que j'ai repérées. Attends, Godzilla, tout ça, ça te dit quelque chose? Oui, non, mais ok, je les ai vus, mais il y en a plein dont on m'a parlé que je connais pas du tout, et je m'en fichais en fait. Fichais juste complètement. Donc ça veut dire que tu peux le voir sans, oui. Et ça parlera justement, et c'est un vrai film familial, et ça, je trouve ça bien justement, parce que le scénario est assez compréhensible pour les enfants, et pas trop inintéressant non plus pour les adultes, et en plus, les adultes, on leur sert de la nostalgie et ce petit jeu presque de repérer tous les clins d'œil. Ça, je pense qu'il y a des mecs qui vont se faire plaisir sur internet à regarder. Mais là où je dis le film est trop enfantin, le méchant colle son mot de passe internet sur son siège. Voilà, il y a quand même des incohérences. Excusez-moi, on est dans la multinationale où il y a 5000 personnes, c'est ultra sécurisé. Et Samantha, là, il suffit qu'elle se cache derrière un fauteuil pour pouvoir s'échapper. Enfin, attendez. Oui, ça faisait très Club des 5, ça. Ouais, c'est le méchant. Le méchant. C'est ça le défaut du film. Mais voilà, pour moi, c'est un film familial pour enfants. Donc ça va avec. Et du coup, je le pardonne. Ce que je pardonne moins, justement, ce sont, comme on le disait, les personnages. Et notamment, pour moi aussi, l'autre grosse erreur, c'est la mort, quand même, de sa tante, dont on se fout, parce qu'il s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors, cette nana meurt, tout le monde s'en fiche. On a aucun... Et en plus, surtout que c'est dommage, c'était un moment pivot du scénario, pour le coup, de faire comprendre à Wade que c'est pas juste des gros industriels qui peuvent un peu gâcher le jeu, ce sont des assassins. Ouais. Ce qui change quand même un peu la donne. Il y a vraiment un enjeu, pour le coup, de vie ou de mort dans la vraie vie, et on passe complètement à côté de ça, avec justement cette tante, où on aurait développé un tout petit peu de relation avec sa tante, et on se serait attardé sur le fait que sa tante est morte. morte, ils ont oui. tué des gens. Quoi. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec le fait que ce soit un film familial. Enfin, dans plein de films pour enfants, enfin de films familiaux, il y a toujours des morts. T'as pas vu Le Roi Lion? Pas de spoil, Fiona. Pardon. Personne ne meurt dans Le Roi Lion. Mais il y a toujours des... Enfin, dans le scénario, je trouve que, comme il y a pas mal de problèmes sur les personnages, est-ce qu'on peut parler des personnages de Tashino et Sho, je crois? Et de est-ce que tu vas te plaindre? Parce que comme c'est d'Asiatique, ils maîtrisent le kung-fu. Absolument pas. Vive les archétypes. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, quand on les voit arriver dans... Je pense qu'il y a eu beaucoup de coupes dans le film. Et quand on les voit arriver dans la vraie vie, on a envie de dire, mais en fait, on les a jamais vus... Dans le jeu, il en a parlé vite fait en voix off. Oh, monsieur, mais on les voit de temps en temps. Non, mais c'est celui qui a son sincèrement, samouraï et l'autre. Ils n'ont pas d'interaction avec lui. Et en fait, on voit arriver des personnages qu'on ne connaît pas. Et on ne sait pas qui ils étaient dans le jeu. Et du coup, on n'a pas une surprise, genre, ah, oh, c'est incroyable, mais qui sont-ils? Autant sur son ami, oui, on a une surprise. Oh non. Tu vas pas me faire croire que tu l'as pas vu venir. Si, mais bien sûr que je l'ai vu venir, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est un petit retournement. Voilà, un petit retournement. D'accord. Et beaucoup de gens l'auront pas vu venir. Mais bien sûr. Quand t'as dit oui, ça se trouve le mec, c'est un mec obèse de 150 kilos, tu fais ah. Déjà, je m'en doutais. Oui, d'accord. Mais pas toute la population pense comme ça et cherche à twister tous les mots des personnages. Oui, peut-être. On l'a vu, mais je pense que ça peut rester une surprise pour beaucoup de gens et notamment pour les ados. Pour les enfants. Oui, mais tu vois, pour revenir sur le méchant qui est pour moi le gros problème du film, c'est que justement c'est un bouffon. Et il va trop loin, tu vois, parce qu'il tue pas que la tante, hein. Il tue l'immeuble entier de caravane, hein, donc oui. Il doit tuer 20 personnes. Hein. Pardon, alors pourquoi ils font pas exploser le camion pendant la course-poursuite? Enfin, on oui, a vu paraît. Qu'ils avaient les armes nécessaires pour faire exploser un immeuble. Pourquoi ils font pas exploser plus de film, sinon. Non, et en plus, c'est que la hache. Dans le monde réel, voit que les drones ont repéré son camion et elle se balade avec, mais je sais pas, mais une couverture dessus. Parce que sinon, ils vont le repérer et évidemment, ils le repèrent. En fait, ça aurait été. En fait, le problème, c'est que je trouve que ça aurait été quelque chose qui aurait pu être réglé très très facilement. C'est-à-dire, par exemple, ils doivent pas les tuer. Ils doivent les récupérer vivants parce que c'est le seul qui est. Donc, ils peuvent pas le tuer, mais ils doivent l'attraper. Donc là. D'une façon très très simple, il n'y aurait pas eu de problème et on aurait compris. Tu poses pas la question du coup. Pourquoi ils font pas exploser le camion ? C'est très simple et souvent il y a des problèmes comme ça qui peuvent être réglés, comme par exemple avec la tente, qui peuvent être réglés très facilement, mais que pour je ne sais quelle raison, sont totalement. Ils étaient plus concentrés sur le visuel, je pense. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais ils ont bien fait leur boulot. Oui, ils ont très bien fait leur boulot. Et justement. Sur toutes ces incohérences, bon, c'est vraiment dommage. Effectivement, comme tu as raison, un petit lissage aurait sûrement permis de sauver plein de choses et de récupérer plein de choses. Comment ça se passe? Il y a dû y avoir 200 versions. Je sais, non, mais là, pour le coup, c'est dommage. Il y a certaines incohérences dont on aurait pu se passer et des scènes d'émotion qu'on aurait pu jouer, notamment donc celle de la mort de la tante. Mais quand même, globalement, j'ai trouvé que c'était un vrai film de divertissement. Réussi aussi par son message. Ah, le message, je suis pas du tout d'accord. Le message m'a plu. C'est le gros problème. Message pour toi? Pour moi, le message, c'est. Je suis contente de voir un film sur les jeux vidéo qui te dit pas à la fin. Faut pas jouer aux jeux vidéo. Monde est dehors, tu vois. C'est quand même plus ou moins ce qu'il sous-entend là. Oui, non, ils le disent. Non, ils disent, on a fermé pendant deux jours par semaine. Il y a plus l'oasis pour que les gens continuent de vivre. Mais en fait, pour moi, on te dit, les jeux vidéo c'est super, la vie c'est un peu mieux. Donc profiter des deux et on dit pas les jeux vidéo boubou c'est horrible. Non mais d'accord. On dit pas ça, et justement je trouve qu'on le valorise. Non, voilà. Je suis pas d'accord avec toi parce que justement la fin pour moi c'est les jeux vidéo faut pas y jouer 7 jours sur 7. Vous ferez mieux d'être dans votre appartement de 2000 mètres carrés avec votre super concert sur les genoux. Oui ben évidemment lui il est milliardaire maintenant donc c'est il peut se le permettre. Les pauvres mecs qui vivent dans les caravanes qu'est-ce qu'ils vont foutre? C'est parce qu'il a, qu'est-ce qu'il a changé au monde réel. C'est ça marcherait si on connaissait mieux le monde réel mais comme on a extrêmement peu d'informations sur ce qu'est le monde réel, si ce n'est que le seul quartier qu'on voit, c'est d'ailleurs au passage, ils vivent tous dans le même quartier, tous les joueurs qui ça s'écoute pas, heureusement. Non, ça c'est pour aider le scénario. Ça c'est pour aider le scénario. Mais vraiment, ils disent arrêtez de jouer aux jeux vidéo et profitez du monde. Bah, notre monde à nous, oui d'accord, mais enfin le monde à eux. C'est pas faux. C'est pas ça, j'avoue que j'ai pas trop de réponses là-dessus, mais en tout cas, pour nous spectateurs qui ne vivons pas tous dans des bidonvilles, dans des caravanes empilées les unes sur les autres, je trouvais que c'était pas mal de montrer ça. Et en fait, voilà, quand je suis sortie de là, moi je suis pas du tout gameuse, et je me suis dit, ah là là, les là je vous dis souvent ah là là, les jeux vidéo c'est quand même un art et c'est il y a plein de créativité et il y a des vraies histoires, il y a des vraies anecdotes, il y a c'est un monde qui donne ça donne envie de le découvrir et pour tous les parents qui disent oh arrête tes bêtises de jeux vidéo, je trouve que c'est bien aussi de ça peut leur permettre de s'intéresser un peu au monde de leurs enfants et du monde des jeux vidéo auxquels ils jouent et que c'est pas juste bête, voilà. Écoute, si tout le monde a compris ça, on va s'arrêter là parce que malheureusement on arrive déjà à la fin. Un mot final sur ce film, Remix? Moi j'ai trouvé que c'était très divertissant, surtout en 3D, ça fait vraiment le job, t'as l'impression d'être dans une attraction Disney. Après faut pas trop creuser sur le scénario, faut pas être trop exigeant en scénario, mais c'est un bon divertissement. C'est exactement ce que j'ai fait pour Red Sparrow, tu vois, je me suis pas trop creusé mon scénario, j'ai aimé. Claire? Pareil, un bon divertissement familial, on passe un bon moment avec de jolies trouvailles visuelles. Ok, Fiona? Un peu pareil, gros divertissement. J'ai pris un vrai, vrai plaisir à le regarder. Et j'étais contente, ça c'est peut-être que moi, mais je trouvais que donc, c'était très fourni, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et pendant une seconde, j'avais peur que ce soit en plusieurs épisodes. Oui. Je suis d'accord. Voilà. Et à un moment, j'ai eu peur, je me suis dit, oh non, ils vont nous couper. Et là, je suis enfin contente en fait, de voir un film qui peut être décliné, entre guillemets, en deux, trois, en saga, et qui nous mette tout dans le même film. Et j'étais contente, je disais merci, monsieur Spielberg, de nous faire des films où on peut raconter toute l'histoire, même bien fournie, dans un seul, dans un seul c'est film. C'est très ouvert à une suite, on peut sans problème faire ah oui, une suite. On peut, mais au moins l'histoire est bouclée. Cette histoire-là est bouclée. Il y a déjà un autre roman du mec qui a écrit, dont les romans se basent dessus, le scénar se base dessus, qui est déjà en préparation pour être adapté. Hein. Mais en tout cas, cette histoire est bouclée et on aurait pu s'arrêter en mode il y a trois clés à trouver, on s'arrête au bout de la deuxième ou la troisième. Quand il reboot les points de tout le monde un peu, et je me suis dit ça y est, ben là, je vois pas de solution, on va devoir dire au prochain film, la revanche. Non, mais j'ai eu peur de ça. Tu pensais que ça allait finir au moment où ils activent l'espèce de bombe et qui tue tout le monde. Il y a tellement maintenant de sagas et de films qui ne se terminent pas que j'ai eu peur de ça et j'étais contente de voir un film bouclé. Voilà. Mais là c'est, je pense que tu fais référence à Star Wars, mais Star Wars, c'est ce côté, on sait très bien qu'il va y avoir trois films. Mais pas que Star Wars. Bon, bref, moi, je le recommande ce film. Enfin, c'est quand même extrêmement divertissant. C'est extrêmement... Je reste avec un sentiment de gâchis. Je pense que ça aurait pu être extrêmement mieux, notamment si le méchant avait été beaucoup mieux écrit, mais ça reste vraiment bien. Et honnêtement, c'est un film que je reverrai avec plaisir. On termine avec... avant qu'on passe aux recommandations, il faut que je remercie Cédric pour le générique, parce que j'ai reçu quelques menaces de mort, parce que j'ai passé quelques émissions sans dire. Donc merci à Cédric pour ce générique. Merci Cédric. Merci Cédric. Et on termine avec les recommandations ou les dérecommandations de la semaine. Remix. Oh, je suis désolée, je suis obligée de dérecommander Red Sparrow. Non, on a dit que c'était interdit. Je voudrais recommander un film Red français. Sparrow, Tout. Un film français qui s'appelle Dans la brume. Ah merde, c'était ma recommandation. Que j'ai vu, alors qui a certes des petites choses à dire, mais qui est franchement visuellement hyper intéressant au niveau du concept. C'est vraiment chouette et je recommande ce film. Français, c'est bien trop rare. Et je suis d'accord, à part quelques problèmes de scénario, où par exemple quand ils se poursuivent par le chien, arrêter de courir, monter dans une voiture, il y a des partout, mais à part deux trois petits détails comme ça, c'était vraiment un bon film. Les enjeux sont très clairs, il y a des retournements réguliers, oui, c'est bien écrit, c'est très bien structuré. On peut spoiler les recommandations maintenant? Non, mais c'est pas un spoil, c'est juste un détail, j'ai pas dit comment ça finit. Et en plus, j'aime beaucoup la fin. On ne spoil pas les recommandations. J'aime beaucoup la fin du film. Allez voir Dans la brume, film français de genre, ça mérite d'être précisé. Voilà, Armand. J'ai une recommandation, c'est la série Love Sick sur Netflix, qui avant était une série Channel 4. Et qui s'appelait Scrotal Recall, et Netflix a dit on va changer le titre. Et ils ont bien fait, parce que Love Sick ça marche vachement mieux, c'est vachement plus élégant. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme anglais qui se rend compte qu'il a chopé la chlamydia et qui doit appeler une vingtaine d'ex pour les prévenir. Bien. Il y a un mélange un peu My Name Is Earl et How I Met Your Mother, mais avec la chlamydia. Bon, j'espère que ça te rappelle pas ta propre vie. Et bizarrement, ça parle d'amour et en fait, c'est vraiment très drôle et assez émouvant. Ok. Claire ? Oui, je vais recommander une série qui s'appelle Atlanta. Ça passe sur FX. C'est Donald Glover qui était Troy dans Community qui a créé cette série. Et c'est une série très émouvante. C'est vraiment une comédie dramatique sur le milieu du hip-hop à Atlanta. Et là, il y a la saison 2 qui a démarré et elle est vraiment extraordinaire. Donc je vous recommande cette série. Très bien, Fiona. Alors moi, je suis un petit peu en retard parce qu'il y a déjà eu 2 saisons de fait, mais j'ai découvert il y a pas longtemps The Good Place sur Netflix et que j'ai trouvé vraiment très sympa et assez surprenante, alors que le concept n'est pas, était à la base pas, enfin je le pas si facile à tenir. Bah, ils ont eu la bonne idée d'en faire un feuilleton et pas une série. Et c'est ça. Et voilà, ça m'a surpris à chaque épisode. J'avais envie de voir la suite et je l'ai plutôt binge-watché, comme on dit. Oui, les clips sont extrêmement bien faits. Les clips sont très bons et du coup, j'étais bien frustrée à la fin de la saison 2. Donc, The Good Place, qui parle de la vie après la mort, pardon, s'il faut un peu dire, et donc du paradis, quoi. Oui, c'est l'histoire d'une fille qui n'a rien à faire au paradis, qui est là par erreur et qui essaie d'y rester. C'est ça. Voilà. Donc moi je voulais recommander Dans la brume, mais donc du coup on m'a piqué ma recommandation. Alors je vais faire une dérecommandation, et vraiment j'ai de la peine parce que c'est un jeu vidéo que j'attendais énormément, qui s'appelle Ni no Kuni 2. Et c'est fait, enfin le premier était fait par les studios Ghibli, là c'est pas eux qui l'ont fait, mais ils ont repris le thème. Et malheureusement le scénario est d'une niaiserie abyssal, c'est vraiment le petit prince qui essaie de fonder son royaume et tout le monde se met à genoux pour l'aider, enfin c'est saigné. Et alors le système de combat, mais c'est tellement facile, je veux dire, à cause de la Wii, ça, je reviens encore. À cause de la Wii, maintenant les jeux vidéo sont devenus trop faciles. Et là, celui-là, mais alors on arrive dans un combat, on appuie sur 2 boutons et tout le monde est mort. Donc non seulement le scénario est mauvais, mais en plus les combats sont mauvais et je suis extrêmement déçu de ce jeu. On vous redonne l'adresse, vous pouvez nous écrire à secolepitch@gmail.com et on se retrouve dans 2 semaines. Vous pouvez noter quand même que personne n'a dit le mot truc. C'est vrai, et je suis extrêmement déçu, je vais faire juste après. Donc truc. Voilà, c'est gentil. C'est vrai qu'aucun truc aujourd'hui. À dans 2 semaines.